kite yo grand plaisir yo. Yo fini nan bal, si pou ya misi yo. San yo bal la pa ka chope. Si mande yo danse, yo pa jam refuse. Se si wonyel ka jwe. Pop yo fi me frappe, bebe tout bagay nan plasyo. Van yo rele, kadans yo miel. Si mande yo danse, yo pa jam refuse. Se si yo miel ka jwe. Comme yo qui me frappe, mettez tout bagay dans place yo. Van yo rele, rele, cadence yo bien. Mettez tout bagay dans place yo. Ok. Mettez tout bagay dans place yo. C'est d'accord. Scorpio, oui. Mais si ou gen la fièvre, c'est pas faute mais non. C'est faute Jean-Jean. C'est faute Samson. C'est faute François. C'est faute Mario. Moi je dis c'est faute Loulou. C'est faute Bobby. Y'aurait tant qu'on y a pas.